Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Madame Simon? Je suis malade depuis hier. Je suis fatiguée, j'ai mal dans les jambes et dans le dos. En plus, je tousse un peu. Bon, je vais vous examiner. Respirez bien fort. Est-ce que vous avez de la fièvre? Oui, j'ai la tête qui brûle. Ma température est de 39 degrés. C'est grave, docteur? Je crois que vous avez la grippe. Vous devez rester chez vous 3 jours et vous soigner.